Dans la même semaine, son notaire du Havre lui envoya le prix de sa ferme, 174 000 francs. Il en fit deux parts, plaça la première sur l'État et alla porter la seconde chez un agent de change pour la risquer à la bourse. Il mangeait dans les cabarets à la mode, fréquentait les théâtres et tâchait de se distraire, car Ussonnet lui adressa une lettre où il narrait gaiement que la maréchale, dès le lendemain des courses, avait congédié Sisy. Frédéric en fut heureux, sans chercher pourquoi le bohème lui apprenait cette aventure. Le hasard voulut qu'il rencontra Sisy 3 jours après. Le gentilhomme fit bonne contenance et l'invita même à dîner pour le mercredi suivant. Frédéric, le matin de ce jour-là, reçut une notification d'huissier où M. Charles Jean-Baptiste Oudry lui apprenait qu'au terme d'un jugement du tribunal, il s'était rendu acquéreur d'une propriété sise à Belleville, appartenant au sieur Jacques Arnoux, et qu'il était prêt à payer les 223 000 francs montant du prix de la vente. Mais il résultait du même acte que la somme des hypothèques dont l'immeuble était grevé, dépassant le prix de l'acquisition, la créance de Frédéric se trouvait complètement perdue. Tout le mal venait de n'avoir pas renouvelé en temps utile une inscription hypothécaire. Arnoux s'était chargé de cette démarche et l'avait ensuite oublié. Frédéric s'emporta contre lui et, quand sa colère fut passée, « Eh bien, après, quoi, si cela peut le sauver, tant mieux, je n'en mourrai pas, n'y pensons plus. » Mais en remuant ses paperasses sur sa table, il rencontra la lettre du sonnet et aperçut le post-scriptum qu'il n'avait pas remarqué la première fois. Le bohème demandait 5 000 francs tout juste pour mettre l'affaire du journal en train. « Ah, celui-là m'embête !» Et il refusa brutalement dans un billet laconique. Après quoi, il s'habilla pour se rendre à la Maison d'Or.